Il y a des jours où j'en ai marre de voir ta gueule. Je voudrais que tu aies un autre plumard. Je ne veux même plus te voir dans le noir. Et pourtant, je t'aime tant, par temps de pluie comme par beau temps. Je ne vois petit comme tout grand. Et pourtant, il y a des mers où je t'ai déjà dit, être parfait, se mettre à l'imparfait. Je voudrais que tu aies un autre lieu-dit. Je ne veux même plus te voir dans mon lit. Et pourtant, je t'aime tant, par temps de pluie comme par beau temps. Je ne vois petit comme tout grand. Et pourtant, et pourtant. Des mois où j'en ai froid, de voir que j'ai du sang-froid. Je voudrais que tu aies une autre agonie. Je ne veux même plus te voir en vie. Et pourtant, je t'aime tant, par temps de pluie comme par beau temps. Je te vois petit comme tout grand. Et pourtant, et pourtant. Et pourtant, je t'aime tant, par temps de pluie comme par beau temps. Je ne vois petit.